السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que le son est clair? Alhamdulillah. طيب, quand il y a des coupures ou là, il faut m'arrêter, Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Donc en cette soirée, طيب, en cette soirée du mardi 18 Rabi' al-Thani, Rabi' al-Akhir, 1438 de l'Hégire, correspondant au 17 janvier 2017, bi'idhnillahi ta'ala. Donc je dis, aujourd'hui, j'ai entendu un audio du frère Abdelmalek al-Firansi, et après l'avoir entendu, donc je me suis dit, je vais faire, Inch'Allah ta'ala, une clarification. Car ce qui s'est passé, c'est que il y a deux jours de cela, Cheikh Lazhar, hafidhahullah ta'ala, m'a fait une remarque et m'a corrigé une faute. Et m'avait envoyé sur WhatsApp. Et moi, j'avais pas encore lu ce qu'il m'avait dit. Et il m'a dit, allez, va voir ce qu'il y a sur le WhatsApp. Quand j'ai lu ce qu'il y avait sur le WhatsApp, voilà ce que je lui ai répondu hier lundi. Voilà ce que je lui ai répondu sur le WhatsApp. Et vous, l'enregistrement est bon ou pas, bi'idhnillahi ta'ala. Ça dure seulement 3 minutes, hein, 3 minutes et 40. C'est en arabe et ensuite la traduction en français, bi'idhnillahi ta'ala. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Kif el hal cheikh? Bkhir inchallah. Alhamdulillah barakallahu fikoum. Na'am laqad wasalani bil fi'l kalamuk 'ala bil ams 'ala al WhatsApp. Wa alhamdulillah istama'tu ila al intiqad al muwajjah ilayya fi mas'alat al tafriq bayn al 'aqidah wal manhaj. Fa nashkuruka badi'a bi bad 'ala hadhihi al nasihah al qayyimah. في نفس الوقت استسمح كان أوضح شيئين إن شاء الله تعالى أراهما من الأهمية بمكان. الأول أن كلامي في المدعو علي بن حاج الشريط, يعني هذا الشريط, هذا الكلام أولا قلته قبل تقريبا سنتين, وكنت قد سقته في مساق الذم والتنفير من هذا الشخص. أي قلت في الشريط, وإن كان أحدهم, يعني في معنى الكلام, إن كان أحدهم سليم العقيدة هذا لا ينفعه إذا كان عنده منهج منحرف. ولهذا فأنا لا أجلس, يعني والله عز وجل شهيد على ذلك, في مجلس مع العلم إلا وكلما تأتيني الفرصة حذرت من هذا الرجل ومن منهجه الرادي. ولهذا كان قصدي في الشريط أي أن علي بن الحاج رغم موافقته لعقيدة السلف في الصفات خاصة, لهذا ذكرت أنا أنه يرى مثلا بأن الله سبحانه وتعالى يضحك بأنه ينزل وبأنه يقصد في الصفات يوافق, لكن قلت منهجه منهج تكفير وإخوان وأصحاب الخروج في نفس الشريط, قلت هذا نعم. لكن أنا أعترف الآن أن عبارتي كانت خاطئة وأنها توهم أنه صاحب عقيدة سلفية تطابق عقيدة السلف في كل شيء. ولهذا فأنا الآن أرجع وأقول إن هذا خطأ مني, استغفر الله تعالى منه وأتوب إليه, لأنه في الحقيقة لا يمكن الفصل بين العقيدة والمنهج بإذن الله تعالى. الثاني الذي أحب أن أنبه عليه هو أني بالأمس لما كلمتك في الهاتف, لعلك تذكر, أني أخبرتك أن أحد الإخوة اتصل بي يريد أن ينبهني على نفس الخطأ, وأنا كنت يعني لم أستمع قبل إلى ما ذكرته أنت في الواتساب. وكان مما قلت لهذا الأخ, قلت له إني متراجع عما قلت بإذن الله تعالى, وقلت له أخبر الإخوة بذلك وسأقوم بحذف المقطع بإذن الله تعالى وإصدار مقطع آخر جديد أبين فيه هذا الخطأ وخير خطائين توابون. وأنا إن شاء الله تعالى أنوي أن يكون هذا الكلام الجديد في الدرس الأسبوع، يعني درس البارتوك على بإذن الله تعالى، حتى تعم الفائدة نعم يعني للجميع. وأشكرك مرة أخرى يا أخي أبا عبد الله على هذه النصيحة القيمة، وبارك الله لك في علمك، ومتعك الله بالصحة والعافية، وجعلني وإياك ممن إذا ذكر ذكر، وإذا بين له التزم الحق. وجزاك الله خيرا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, cet audio-là, نعم, date de lundi. Et, c'est-à-dire, je voulais même l'envoyer au cheikh dimanche soir. Mais il se faisait tard. J'ai laissé à lundi matin, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, entre parenthèses, si quelqu'un a des doutes, qu'il téléphone à Cheikh Lazare. Qu'il lui dise, quand est-ce que Cheikh t'a audio. Donc, c'est un jour au moins avant l'audio de Abdelmalek Al-Ferenzi. Maintenant, je vous donne la traduction en français, ce que j'ai dit après avoir lu, yani, ça, ce qu'il m'a corrigé sur le WhatsApp. Je lui ai dit, salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien, alhamdoulilah. Naam, en effet, ta parole est arrivée sur mon WhatsApp hier et j'ai entendu ce qu'elle comportait comme réfutation à mon égard à propos de la distinction entre la aqida et le minhaj. Moi, je te remercie d'emblée pour ce précieux conseil et en même temps je me permets, après ton accord, d'expliquer deux points que je trouve d'une grande importance. Est-ce que vous m'entendez? Le premier point, c'est que ma parole sur le dénommé Ali ibn Hajj, dans cet audio, premièrement je l'ai dite avant à peu près 2 années de cela. Et ensuite, elle a été dite dans un contexte de blâme et de critique contre lui. Et ce, dans le but de faire fuir les gens de lui. C'est-à-dire que j'ai dit dans l'audio, si l'un d'eux a une bonne aqida, ceci ne lui est pas utile si son minhaj est déviant. Et c'est pour cela que moi, je suis dans une assise avec des étudiants en sciences, et Allah est témoin de cela, sans que je ne mette en garde contre cet homme et son déviant. Et c'est pourquoi mon intention dans cet audio était de dire que Ali ibn Hajj, malgré sa concordance avec la aqida des salafs dans les attributs spécifiquement, et c'est pour cela que j'ai cité comme exemple qu'il attestait qu'Allah Azza wa Jal avait les attributs du rire, de la descente et de l'étonnement, c'était cela mon intention. C'est-à-dire qu'il a la concordance dans les attributs. Mais j'ai dit que son minhaj est un minhaj de takfir, ikhwan et khawarij dans ce même audio. J'ai dit cela, na'am. Mais moi, je reconnais maintenant que ma parole était fausse et qu'elle était sujette à ambiguïté, en ce sens qu'elle pouvait faire croire que je voulais dire qu'il avait une aqida salafia et que sa aqida concordait avec la aqida en tous les points. Et c'est pourquoi, moi maintenant, je délaisse cette parole et je dis que ceci est une erreur de ma part. Et je demande à Allah Azza wa Jalla de me pardonner cela, car en vérité, on ne peut dissocier entre la aqida et le minhaj. Et le deuxième point que je voudrais clarifier aussi, c'est que hier, quand je t'ai parlé au téléphone, peut-être te souviens-tu que je t'avais informé qu'un des frères m'avait contacté dans le but de me faire part de cette erreur. Et moi, je n'avais pas encore connaissance de ce que tu m'avais envoyé dans le WhatsApp. Et parmi ce que j'ai dit à ce frère sur cette parole, Inch'Allah ta'ala, et je lui ai dit aussi, informe les frères de cela et que je vais enlever cet audio bi'idhnillahi ta'ala et que je vais enregistrer un nouvel audio dans lequel je montrerai cette erreur et khayrut khata'in tawwabun, et les meilleurs des pécheurs ce sont ceux qui se repentent. De même que moi, Inch'Allah ta'ala, j'ai l'intention que ce nouvel audio soit dans le cours de la semaine, c'est-à-dire le cours du Paltok, c'est-à-dire samedi bi'idhnillah, pour que la faïda soit amplement propagée pour tout le monde, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse écouter. Et je te remercie encore une fois, mon frère Abi Abdillah, c'est la kunya de Cheikh Lazhar. Je te remercie encore une fois, mon frère Abi Abdillah, pour ce conseil précieux. Et qu'Allah bénisse ta science, et te donne la santé, et te préserve de tout mal. Et qu'il fasse de toi et moi, qu'on soit de ceux qui, si on leur fait le rappel, ils se rappellent. Et si on leur montre la vérité, ils s'y accrochent. Et jazakallahu khayran, encore une fois, et salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tayyib, c'est terminé l'audio. Vous m'avez entendu? Les points maintenant à retenir de tout cela. Les points à retenir de tout cela. Premièrement, donc mon audio a été envoyé à Cheikh Lazhar bien avant la propagation de Al-Malik Al-Firansi, de sa réfutation sur les réseaux sociaux. Donc, moi c'était lundi, et lui, c'est aujourd'hui mardi. Reste que si j'ai tardé à la mettre sur les réseaux sociaux, c'est comme je l'ai dit dans mon audio, vous l'avez bien entendu, que je vous sois dans mon cours de samedi, pour que la Feïda et yani, les gens, yani, que ça touche le maximum d'auditeurs. Deuxièmement, vous avez bien entendu que quand j'ai parlé sur Ali Belhadj, c'était bien sûr pour le critiquer et le blâmer, et non pour le prendre comme modèle, comme veulent le faire croire les déformateurs menteurs. Troisièmement, vous avez bien entendu aussi dans l'audio que j'ai expliqué à Cheikh Lazhar, hafidhahullah ta'ala, que quand j'avais dit que Ali ibn Hajj avait une aqida salafia, qu'en fait je parlais de sa aqida dans les attributs. Et c'est pourquoi j'ai cité qu'il reconnaissait les attributs du rire, de la descente, de l'étonnement, etc. Quatrième point, vous avez bien entendu aussi, entre parenthèses, pour celui qui cherche le haqq et veut bien entendre, qu'après cela, je lui ai dit, je cite ce que je lui ai dit, mais moi je reconnais maintenant que ma parole était fausse et qu'elle était sujette à ambiguïté, en ce sens qu'elle pouvait faire croire que je voulais dire qu'il avait une aqida salafia et que sa aqida concordait avec la aqida des salaf dans tous les points. Et c'est pourquoi, moi maintenant, je délaisse cette parole et je dis que ceci est une erreur de ma part. Et je demande à Allah Azzawajal de me pardonner cela, car en vérité, on ne peut dissocier entre la aqida et le minhaj. Donc ça, c'était le quatrième point. Cinquième point. Et vous avez aussi bien entendu dans l'audio que j'ai dit à Cheikh Lazhar Hafidhahullah, avant d'être au courant de ce qu'il m'avait posté sur WhatsApp, je lui ai dit, vient de me téléphoner pour me faire part d'une erreur et que j'ai répondu à ce frère, je cite ce que j'ai répondu à ce frère, j'ai dit, et c'est que, parmi ce que j'ai dit à ce frère, c'est que je revenais sur cette parole, et je lui ai dit aussi, informe les frères de cela, et que je vais enlever cet audio bi-idnillahi ta'ala et la remplacer yani, par un autre audio yani, que, dans lequel je montrerai cette erreur. Et les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui se repentent, de même que inchallah ta'ala, j'ai l'intention que ce nouvel audio soit dans le cours de la semaine prochaine yani, pour que la faïda soit propagée pour tout le monde bi-idnillahi ta'ala. D'ailleurs, sixièmement et enfin donc, et pour en finir, la conclusion, c'est que mis à part, c'était quoi mon intention dans cet audio, en disant ce que j'ai dit, je déclare ici encore une fois que Astaghfirullah wa atubu ilayh, que Astaghfirullah wa atubu ilayh, dissocié entre l'aqida et le minhaj. Et que par conséquent, là aussi c'est important, et que par conséquent, ce que j'ai rapporté de Cheikh Ubayd, hafidhahullah ta'ala, on m'a dit, le frère Abdel Malik, c'est dû à ma mauvaise mémorisation, car cela fait longtemps que j'ai lu cela de lui, hafidhahullah. Et je profite ici pour dire que Cheikh Ubayd, hafidhahullah ta'ala, se désavoue carrément de ce que j'ai dit. Et moi, je le fais désavouer à ma place. Et c'est moi qui me suis trompé, et non pas lui. Enfin, yani, je remarque que la parole du frère Abdel Malik était une parole correcte, juste où il n'y avait ni de choses rajouter que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, il lui donne le succès pour yani avoir ou avoir yani expliqué et fait ce qu'il a fait et refuté dans son audio. Pour terminer, Cheikh Al-Azhar hafidhahullah ta'ala m'a dit que si c'était possible de parler un peu de quelques adabs de Talibul Ilm, en vérité, je n'ai pas préparé grand chose, beaucoup de choses. Je voudrais juste vous lire un peu un passage ou deux de Cheikh Rabi'a hafidhahullah ta'ala, qui dit par exemple, il dit dans une nasiha qu'il a donnée aux étudiants de Riyad, le 4-2-1437. Ça se trouve aussi dans son site. Le 4-2-1437. Il a dit, et ce qui est demandé aux salafis sincères, c'est d'avoir la modestie et d'orienter le conseil avec le bon comportement et le respect. Et si l'un d'entre eux, ou bien l'un, et si l'un d'entre eux vous se trompe, que ce soit parmi des petits étudiants ou les grands étudiants, alors il doit être conseillé avec bonté, fraternité, affection et amour. Et amour. Il n'y a pas lieu, afouan, d'en arriver au conflit et aux querelles. Ce n'est pas comme ça. Cela n'est pas la méthodologie des gens de la sunna. La voie des gens de la sunna contient de la sagesse, de l'indulgence et de la fraternité et de la cohésion. Vous devez suivre la voie des salafs et vous y tenir dans vos croyances, votre comportement, votre mu'amala, et parmi elles, le respect des savants et de profiter d'eux. Terminé. Une autre nasiha où il dit, c'est dans Marhaban ya Talib al-Ilm, page 342. Il dit, la voie de vérité en cela, yani on lui a posé la question comment se comporter avec les hommes de science, etc. Il a dit, la voie de vérité en cela est qu'il fasse que le savant, et qu'il arrive que le savant fasse une erreur. Et le savant peut ignorer une ou plusieurs, yani chose, une chose ou plusieurs. Et certaines personnes, si le savant commet une erreur, disent ignorant. Cheikh dit, ceci est une voie destructrice. Imam Malik était interrogé sur 40 questions et répondit à 8 ou au quart ou à 6. Et il disait sur le reste, Allah est plus savant, Allah est plus savant, je ne connais pas. Et un homme qui était venu d'Andalousie, il a interrogé sur une question, quelle est votre parole sur ceci ou cela? Il répondit, je ne sais pas. Alors il lui dit, j'ai parcouru tout ce chemin depuis l'Andalousie pour toi, pour que tu me dises, je ne sais pas. On lui répondit, pars, et dit, Malik est un ignorant. Cheikh Rabi a dit, Hafidullah, ainsi, le savant vérité et sincère ne prête pas attention à ce qui est dit sur lui, savant ou ignorant. Et l'étudiant en science se doit d'avoir un bon comportement. Et il ne doit pas avoir cette baste. Car si la personne fait une erreur, ou 2, 3, 10, 20, cela ne diminue pas de son statut. Il a de la science, cher frère, mais il ne connaît pas tout. Il n'englobe pas tout de sa science. Et personne n'englobe tout de sa science, ni Shafi'i, ni Malik, ni Ahmed, ni les Sahaba qu'Allah Azza wa Jalla les a créés. Et certaines choses pouvaient échapper aux compagnons. Telles choses pouvaient échapper à Abu Bakr, Omar, à Uthman. Certains hadiths leur échappaient. Et d'autres d'un rang inférieur les connaissaient. Mais nul ne voyait qu'ils étaient ignorants. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre cela. Maintenant, dit Cheikh Rabi, il y a sur la gorille de ce genre, si la personne commet une seule erreur, ou bien qu'elle ignore un sujet, il s'écrit, par Allah, c'est un ignorant. Ce sont des voies destructrices. Il est obligatoire que nous respections les savants, que nous respections les étudiants en sciences, que les musulmans se respectent mutuellement, et que nous ne rendions pas licite l'honneur des autres à la moindre opportunité que tu trouveras. Tu la saisiras pour léser ton frère musulman. Dans le livre Marhaban ya Talib al-Ilm, page 342. Allahu Akbar. La moindre faute, yani, pour essayer de fermer les portes à quelqu'un, et de dire celui-là, là, c'est terminé pour lui. Personne ne doit l'écouter. Vous devez m'écouter, moi. Moi et ma clique. Pas lui. Allahu Akbar, la ilaha illallah. C'est Allah qui donne le succès et la victoire. C'est Allah qui fait monter, qui fait descendre. C'est à Allah qu'appartiennent toutes les choses. C'est à Allah qu'appartient ce qu'il décrète. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Que Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos cœurs sur le droit chemin, sur la droiture, qui nous donne la sincérité, l'amour des frères salafis, l'amour des musulmans qui sont sur le minhaj. Naam. Que Allah ta'ala nous donne la basira dans le din, la science, yani, qui marche en même temps avec le bon comportement. Deux frères, ma'ad asaf, beaucoup de frères, sont partis directement vers la science et par le chemin du bon comportement. Imam Malik, rahimahullah, sa mère lui a dit, yani, il dit très jeune, va, yani, assois-toi auprès de tel savant, na'am, seulement pour voir le bon comportement de lui et l'apprendre. Des années, il partait seulement pour voir yani, comment prendre le bon comportement. Le bon comportement. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprenne notre dîn. Naam. Et yani, ce n'est pas facile de dire je suis salafi, je suis le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Tu le suis et tu suis les savants aussi. Naam. Comme on dit, beaucoup disent, on suit les grands savants. Naam. Tu les suis quand yani, ce qu'ils disent concorde avec toi. Mais s'ils disent quelque chose qui est contre toi, et contre ton mauvais comportement, et contre yani, le mal que tu fais, ah là, il ne faut pas suivre les grands savants. Ce ne sont plus des grands savants. Non. S'ils disent, ils acquiescent à ce que je fais, d'accord, ce sont les grands savants. Mais si jamais tu montres à quelqu'un, tu lui dis, toi tu suis Cheikh Rabia, regarde Cheikh Rabia ce qu'il dit, Hafidallah. Toi tu suis Cheikh Mohamed Ben Hadi, regarde ce qu'il dit. Regarde chez Roubaix ce qu'il dit. Ah, si c'est contre lui, khlas. Là, il feint que, yani, il n'a rien vu ou entendu. Voilà, ta'ala, j'arrête ici. On se rencontre, inshallah, ta'ala, samedi, dans yani, le cours des trois fondements. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et raffermisse nos cœurs sur la droiture. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.